Amour du temps et des idées, amour du vent, amour passé. J'ai fui la solitude au fin fond des déserts, des amants habitués aux visages de pierre, Pégase au corps divin, bête aux ailes du rêve, où j'ai tendu les mains au port du soir qui crève. Spectre du matin faisant gonfler mes yeux, à rejeter du sein des jours heureux. Sous les ailes de ma cavale, le vent attise la lueur glauque qui voile la nuit qui s'irise. Amour du temps et des idées, amour du vent, amour passé. L'homme cheval fou me regarde et je sens fuser dans mes veines le trait qu'il donne. J'ai fui mes amours humaines en un instant. Je suis cavale pour sa plainte au prix du sang et par sa flèche atteinte. Le temps est à l'aurore, la nuit s'achève, le Sagittaire est mort et moi je rêve. Tous les chevaux meurent dans un odieux silence, pleure, cavale, pleure. Le jour qui s'avance. Amour du temps et des idées, amour du vent, amour passé.